chéri. Va pas, pas vous courir. Perdre qui me rit. Ou enragé, monsieur. D'ici, faut vivre. Tu peux perdre. Well, I should say, just for me, yeah.